J'écoute une histoire. La pluie et le beau temps. Unité 4, semaine 5. Je t'explique. Quand il pleut, tout devient triste. Le ciel est souvent couvert. Le tonnerre éclate. Les éclairs apparaissent. Parfois, la foudre détruit les arbres et fait peur aux oiseaux. J'aime le beau temps, la belle saison. Cela nous permet de sortir, d'aller pique-niquer, d'admirer les beaux arbres, de cueillir les fleurs. En été, les journées sont longues. On profite agréablement de nos vacances au bord de la mer. Ce n'est pas comme ce temps froid et humide qui devient insupportable.